Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'un des scandales politiques français les plus retentissants des années 80 et 90, l'affaire Boucheron, ou l'itinéraire d'un maire flambeur qui a ruiné sa ville et laissé derrière lui une dette de plus d'un milliard de francs avant de prendre la fuite et devenir, à la surprise générale, chef cuisinier en Argentine. Pourtant, rien ne destinait cet instituteur de province à devenir un fugitif recherché par Interpol. Élu maire d'Angoulême en 77, puis député de Charente à l'âge de 30 ans, il devient rapidement l'une des figures montantes du Parti Socialiste. Sympathique, inventif et audacieux, il séduit. Seulement voilà, c'est l'époque de la folie des rambeurs à Angoulême, financée par des petits arrangements entre amis d'abord, puis par des montages financiers plus élaborés. 10 ans pendant lesquels Jean-Michel Boucheron mène une vie de nabab, aux frais des contribuables, mais sous les yeux d'un leader syndical qui, lui, ne va rien lâcher et provoquer la chute du maire d'Angoulême. L'affaire Boucheron, un épisode qui marque un réel tournant dans la vie politique française et qui voit pour la première fois des élus de la République traîner devant les tribunaux et surtout envoyés derrière les barreaux. Notre invité aujourd'hui, Jean Garrigue, historien, professeur à l'Université d'Orléans, président du comité d'histoire parlementaire. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage paru en 2014 aux éditions du Nouveau Monde, intitulé « Histoire secrète de la corruption sous la Ve République ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Bettina Lioré, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Août 1995, Buenos Aires. Il est tout juste 10h30 lorsqu'un homme d'une cinquantaine d'années sort d'un immeuble de la Avenida Pueyrredón. Il promène son chien dans ce quartier résidentiel de la capitale argentine. Cette promenade matinale, c'est un rituel dans la nouvelle vie de Jean-Michel Boucheron, installé là depuis bientôt 3 ans, dans l'anonymat. Comme à son habitude donc, il traverse l'avenue vers le kiosque et achète le journal, ainsi que quelques facturas, des croissants, en bredouillant quelques mots d'espagnol sans grande conviction. Sur le trottoir, ni la fleuriste, ni le garçon de café qu'il salue de la tête ne semblent le voir. Pourtant, il les a croisés à de maintes reprises depuis son arrivée dans le quartier. Mais c'est ainsi. Ici, à des milliers de kilomètres d'Angoulême, personne ne sait qui est Jean-Michel Boucheron. Car mon nom et personne a quitté sa Charente natale en janvier 1992. En vérité, il la fuit. Il se trouve que les magistrats de Bordeaux ont ouvert une 3e information judiciaire contre lui. Il n'a alors qu'un seul objectif, disparaître, se faire oublier et repartir de zéro. Avant lui, l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, également poursuivi par la justice, avait choisi l'Uruguay pour échapper à la justice française. Mais l'ancien maire socialiste d'Angoulême, ex-député de Charente, a préféré sa voisine, l'Argentine, qui n'avait pas non plus signé d'accord d'extradition avec la France. Sans broncher, sa nouvelle compagne, Agnès, le suit dans son exil et renonce à sa famille, à ses amis et surtout à son luxueux train de vie ponctué de soirées mondaines à l'hôtel de ville et de croisières dans les Caraïbes. Par amour, elle accepte même de jouer les chefs de rang dans le restaurant que monte le couple dans son nouveau pays d'accueil. Mais après la faillite de l'affaire, l'enthousiasme du couple est au plus bas. Les disputes, de plus en plus fréquentes, le manque de perspective et l'ennui, se mettent à peser comme une chape de plomb sur monsieur et madame. Plusieurs fois, Jean-Michel se dit prêt à rentrer à Angoulême, à se rendre à la police et à purger sa peine de prison comme un soulagement. Mais au bout du compte, ni l'un ni l'autre n'a le courage de le faire. Alors, pour conjurer la solitude et donner un sens à cette errance sud-américaine, la perspective d'un bébé s'impose. Et bébé il y aura. Mais si depuis la naissance de leur fils, Agnès rayonne à nouveau, Jean-Michel lui a perdu beaucoup de son panache. Ce matin d'août 95, sur le chemin du retour, une sensation étrange l'étreint. Soudainement, la rue est anormalement calme et les passants semblent avoir déserté. Son chien s'est mis à aboyer, à en perdre haleine, et s'agite en lui lançant des regards désespérés. Sur les balcons environnants, des silhouettes apparaissent et se mettent à le fixer comme on regarde une voiture accidentée sur le bord de la route. Il n'en faut pas plus à Boucheron pour comprendre ce qui se joue dans son dos. Alors, avant de se retourner, l'ancien maire ralentit la cadence, esquisse un sourire de soulagement et prend une profonde inspiration. Bientôt, il sera de retour à Angoulême. La fin de 5 ans de cavale pour Jean-Michel Boucheron. L'ancien député maire socialiste d'Angoulême est à bord de ce vol régulier en provenance de Buenos Aires. Des policiers l'attendent en bout de piste. Jean-Michel Boucheron a été extradé hier soir d'Argentine. L'ancien élu des Charentes s'était réfugié en Amérique du Sud dès 1992. Dans un quartier chic de Buenos Aires, il avait ouvert ce restaurant chez Agnès, du nom de sa compagne, spécialité française. En France, sa cuisine municipale avait laissé à ses administrés un goût salé. 164 millions de déficit. En juillet 1994, Jean-Michel Boucheron est condamné par défaut à 4 ans de prison pour diverses malversations financières. 18 ans auparavant, 25 avril 1979. Dans les jardins de l'hôtel de ville d'Angoulême, une équipe de télé s'active autour de Patrick Lecoq, le présentateur du journal d'Antenne 2, qui s'apprête à prendre l'antenne. Jean-Michel Boucheron, qui patiente hors champ, notamment le lancement du direct, se prépare à savourer son moment de gloire, car c'est sa ville, oui, celle qu'il administre depuis 2 ans, qui est à l'honneur à l'occasion de cette édition spéciale. Il faut dire que depuis son investiture, le jeune maire n'a pas chômé. Il a même réussi à sortir la cité endormie de sa torpeur provinciale. Dans les années 70, il n'y a pas grand-chose à faire à Angoulême, qui est pourtant chef-lieu d'un département, la Charente en l'occurrence. Une poignée d'associations essaie bien d'animer la vie des quartiers, mais les événements sont rares, les animations maussades, bref, les angoumoisins s'ennuient. Jean-Michel Boucheron, alors instituteur, est tout de même convaincu du potentiel de sa ville. Son engourdissement, il en est persuadé, on le doit à des années de gestion conservatrice, à un manque d'audace et de leadership. À 30 ans à peine, Boucheron se lance en politique dans les rangs des socialistes et se présente au municipal de 77 qu'il remporte aisément, profitant de la vague rose qui déferle alors sur la France. 2 ans plus tard, les résultats sont là. Il a créé le circuit des remparts, attraction désormais incontournable de la région, une école des arts, et il met tout en œuvre pour faire connaître le salon de la bande dessinée qui attire chaque année de plus en plus de visiteurs et qui donne aujourd'hui à Angoulême l'aura qui lui manquait. L'heure du bilan a donc sonné, à en croire cette archive d'Antenne 2, pour Boucheron, il est positif. Angoulême donc, où j'attends maintenant Monsieur le maire. Angoulême qui est donc une ville historique, mais qui est aussi une ville qui a su s'adapter au XXe siècle. Asseyez-vous, 112 000 habitants, en gros, Paris à 440 km, une ville moyenne qui, dans tous les domaines, d'après les enquêtes qui ont été réalisées, bat tous les records en matière de crèches, de banques, d'installations sportives, de services médicaux et même d'équipe municipale. Vous avez la plus jeune équipe municipale de France, moins de 40 ans, et vous en êtes le plus jeune député maire, 32 ans. Je suppose donc que vous êtes un maire heureux. Vous avez quand même un avenir qui est assez bon. Oui, l'avenir est pas meilleur que dans toute la France. C'est vrai que tout le monde travaille et puis les Angoumoisins sont quand même heureux. Une cité où fait généralement assez beau, c'est une ville riante qui a un grand passé historique et qui compte sur le tourisme. Qui compte beaucoup sur le tourisme, qui a une animation culturelle très forte. Et il n'y a pas de soirée triste et sinistre à Angoulême. À l'aube des années 80, on l'aura compris, Jean-Mi à l'avant en poupe. D'ailleurs, il n'est pas n'importe qui. Disons plus précisément qu'il est fils d'eux. Son beau-père de l'époque, le bâtonnier Daniel Roger, est en effet un intime de François Mitterrand. Élégant, ambitieux, éloquent, l'édile langoumoisin ne tarde pas à se faire remarquer par ses congénères. Et un an après avoir raflé la mairie, il est élu député de Charente. C'est donc le début de l'ère Boucheron. Celle qui met à l'honneur le cognac plutôt que les pantoufles, celle de la croissance à Angoulême et du renouveau. Une sorte de belle époque pour le maire socialiste et ses collaborateurs. Union, action, négociation. Union, action, négociation. Union. Mais le 2 septembre 1983, alors qu'il revient d'un safari au Zimbabwe, un événement a priori insignifiant va venir troubler la fête municipale. Il se trouve que ce jour-là, la préfecture de Charente est paralysée par une centaine d'insurgés. À l'origine de cette pagaille, un certain Marcel Dominici et les 95 ouvriers d'une coopérative sur le point de mettre la clé sous la porte, à cause d'un promoteur sans scrupules qui, après leur avoir fait signer un chèque en bois d'1 million de francs, a déposé le bilan, sans régler la facture, bien sûr. Après avoir usé de tous les recours légaux pour récupérer l'argent, le responsable syndical a convaincu ses pairs que cette action coup de poing était leur dernière chance de sauver leurs emplois. Résultat, un préfet sur les nerfs, des CRS démunis, une presse locale aux aguets et un centre-ville sans dessus-dessous. Après avoir passé quelques coups de téléphone, Jean-Michel Boucheron arrive sur place, l'air confiant, la démarche assurée comme d'habitude. Sous le crépitement des flashs, face aux caméras, il promet aux ouvriers que la ville se portera caution pour un emprunt. Les employés de la coopérative n'en reviennent pas et se tournent vers leur syndicaliste qui, lui, hésite. Jean-Michel Boucheron lui assène alors cette phrase qui, a posteriori, sonne comme une provocation. « Alors, monsieur Dominici, vous n'avez pas confiance en votre député-maire ?» Impressionné, le syndicaliste finit par céder. Et une poignée de main plus tard, les ouvriers se dispersent, soulagés. Les techniciens constructeurs associés, la LTCA, une coopérative qui compte 95 employés, a manifesté hier toute la journée devant la préfecture d'Angoulême. La LTCA, en situation très précaire, pouvait craindre de voir déposer son bilan si rien n'était fait avant lundi prochain. C'est finalement le maire d'Angoulême, Jean-Michel Boucheron, qui a débloqué la situation hier soir avec 8 autres maires du Grand Angoulême. Ils ont décidé de signer un protocole d'accord portant sur 3 millions de francs. La LTCA aura 6 mois pour essayer de trouver une formule lui permettant de sortir de sa situation actuelle. Il est comme ça, le maire d'Angoulême, chaleureux, séduisant, efficace. Soit. Mais le lundi suivant, lorsque l'élu du personnel arrive à la coopérative, c'est la douche froide. Dans son journal « Main basse sur Angoulême », paru 14 ans plus tard, Marcel Dominici revient sur cette journée, celle qui a fait basculer sa vie. Ça a été la plus grande erreur de ma vie. Le lundi matin, Pierre Lévesque, adjoint au maire et responsable de la coopérative, est venu nous préciser la proposition. On a alors réalisé la vraie nature de la promesse. Il s'agissait d'un prêt au Crédit Mutuel dont le directeur, M. Doche, était adjoint de Boucheron. Un prêt à 16% sous réserve que les gars apportent 700 000 francs de leur poche. J'ai compris qu'on se moquait de nous. J'ai mis tout le monde en garde. Ça n'a pas plu aux responsables et j'ai été foutu à la porte. La fourberie de Boucheron s'était affichée pour la première fois. 16 mars 1986, 3 ans après l'incident de la préfecture. À quelques kilomètres du château des Comtes, sur lequel a été bâti l'hôtel de ville, retranché dans sa cave aménagée en bunker, Marcel Dominici tape frénétiquement à la machine. Autour de lui, un paquet d'enveloppes, une pile de feuilles, des classeurs étiquetés, un fax et un téléphone, le tout éclairé par la lumière blanchâtre d'un néon grésillant. Sans réponse de votre part, sous huitaine, je me verrai dans l'obligation de saisir l'autorité judiciaire. Après une brève lecture, l'ex-syndicaliste de 44 ans, devenu chômeur, se lève et passe à la photocopieuse. De l'encre et du papier, c'est tout ce qu'il faut à cet ancien parachutiste d'Algérie pour gagner la guerre contre Boucheron, car c'est bien une guerre dans laquelle il s'est engagé après la fermeture de la coopérative et le licenciement de ses 95 ouvriers. Né d'un père corse et d'une mère italienne, Marcel Dominici a été élevé dans la discipline, le respect de la parole donnée et la méfiance à l'égard des politiques. « Tous pourris », disait son père. Et Boucheron n'échappe pas à la règle. Il en est désormais convaincu. Mais en 1983, Dominici manque de preuves pour convaincre les angoumoisins du manque de probité de sa mère que tout le monde, au contraire, semble aduler. Alors, le 28 mars 84, il crée avec ses anciens collègues le Comité d'action économique et sociale des chômeurs de Charente, dont l'activité principale consiste à dénoncer le gaspillage et la mauvaise utilisation des deniers publics par la ville. Dominici se lance alors dans une croisade sans pitié contre le maire socialiste et se jette à corps perdu dans les recherches. Pendant des mois, de jour comme de nuit, il épluche tous les articles de presse qui mentionnent le maire. Il analyse méticuleusement les comptes rendus des conseils municipaux et il décortique toutes les subventions attribuées par ces derniers. Il lui faudra 2 ans pour découvrir l'existence du CITEL, le Centre international des techniques d'expression locale, une association au nom à coucher dehors, subventionnée par la ville à hauteur de 180 000 francs par an, et dont les fonds ont servi notamment à payer le cure de Talasso à la femme du maire, ainsi que des voyages d'études à près de 40 élus. Dominici jubile. Mais il n'a pas les moyens de se lancer dans une procédure légale. Alors, avec ses indemnités de chômage, il s'achète une photocopieuse flambant neuve et reproduit à des milliers d'exemplaires des lettres comme celle qui suit, dont il garnit quotidiennement les boîtes aux lettres du centre-ville. À monsieur Jean-Michel Boucheron, député de la Charente, maire d'Angoulême, président du CITEL, cher ami du président de la République. En vertu de quel intérêt économique apparent, l'argent des contribuables charentais doit-il favoriser une association de droit privé qui affiche pour vocation d'effectuer des voyages internationaux dits d'études, de rencontres et d'échanges? Est-il exact que votre revenu imposable pour 1983 était de 70 639 francs et votre impôt correspondant de 2 999 francs? Si cette disposition est exacte, pouvez-vous nous expliquer comment vous pouvez, avec un salaire de smicard, vous payer ce voyage touristique dit d'études aux Amériques? Mais le CITEL n'est que la partie visible de l'iceberg. Dominici déterre progressivement un réseau tentaculaire d'associations frauduleuses, de sociétés écrans et de filiales aux comptabilités opaques, qui fonctionnent largement sur un système de fausses facturations, toutes reliées de près ou de loin au maire d'Angoulême. Dans ses tracts destinés aux habitants d'Angoulême, Marcel Dominici dénonce par exemple l'Association pour le développement du sport automobile, présidée par Boucheron lui-même, qui s'est octroyé la modique somme de 400 000 francs de subvention avant même d'être créée. Il apprend également à ses lecteurs que la mairie a attribué plus de 3 millions à une société d'édition appelée L'Offres pour la fabrication du journal municipal intitulé « Vivre ensemble », censé être entièrement financé par la publicité. Et puis, les Angoumoisins viennent de découvrir le nouveau montant de leur taxe d'habitation. Elle a triplé en 10 ans. Jusque-là, Boucheron s'était contenté de répondre par un silence officiel. Mais cette fois, c'en est trop. Alors il attaque Dominici en diffamation. Mal lui en prend, parce qu'en 4 ans, le Zorro d'Angoulême, comme on l'appelle désormais dans le journal local, a collecté de montagnes de preuves, des fausses factures et des témoignages à l'appel qu'il n'hésite pas à brandir devant le juge, pendant le procès qui se tient au tribunal de grande instance d'Angoulême, le 7 juillet 1987. Document qu'il montre évidemment aux caméras de télé. Je mets au défi Monsieur Boucheron de me confirmer publiquement si cette facture n'est pas une fausse facture. Et je demande au procureur de la République qui m'écoute de bien vouloir ouvrir une information judiciaire à la suite de ce document que je montre publiquement. Alors, il s'agit bien d'une facture se rapportant donc au numéro 63 du journal municipal. Alors, c'est le numéro 63 en supplément du journal municipal. C'est une fausse facture par excellence. Pourquoi ? Parce que le numéro 63, monsieur, n'a jamais existé. Le numéro 63 en supplément n'a jamais existé. Deux semaines plus tard, alors qu'il planche déjà sur le prochain scandale Boucheron, Dominici entend retentir la sonnerie du téléphone. Au bout du fil, son avocat lui annonce la bonne nouvelle. Ils ont gagné le procès. Et ce n'est pas tout. Non seulement le tribunal estime que les accusations du maire ne sont pas fondées, mais il reconnaît officiellement que Marcel Dominici a employé, à bon droit, donc à bon escient, les termes de « fausse facture », de « détournement de fonds publics » et « d'escroquerie ». Marcel Dominici n'en revient pas. Alors il raccroche, abasourdi, et réalise progressivement qu'il est désormais légal de traiter Boucheron d'escroc. À l'annonce du verdict, enfin du jugement, le maire jure de faire appel. Mais sur les conseils de sa femme de l'époque, avocate, il se rétracte. Mais trop tard. La fête municipale et tous les plaisirs qui vont avec, c'est terminé. Story about the mirror and l'issue du procès qu'il a lui-même intenté à Marcel Dominici, le maire d'Angoulême se retrouve dans une situation des plus embarrassantes. Les magistrats ont admis la recevabilité des arguments du syndicaliste, et s'il n'est pas directement inquiété par la justice, le maire d'Angoulême est désormais soupçonné de tremper dans des affaires douteuses et surtout, de détourner des fonds publics de sa ville. Certes, et même si ce n'est pas un argument de défense recevable, à l'époque, Boucheron n'est pas le seul dans ce cas, loin de là. En réalité, c'est toute la classe politique française qui use de méthodes inavouables, connues de tous, et liées en grande partie au financement des partis, à droite comme à gauche. Un secret de Polichinelle, expliqué dans l'histoire secrète de la Ve République, livre écrit sous la direction de Roger Faligo et Jean Guinel. Dans les années 70, le financement occulte des partis est devenu une réalité. Depuis le milieu des années 60, chaque campagne est marquée par un accroissement des dépenses de communication. Les financiers des partis ont du mal à suivre. Exclu des financements traditionnels de la République, le PCF a été le premier à mettre au point un système parallèle pour pallier son manque de moyens. Il organise un système de prélèvement occulte, mais quasi obligatoire sur tous les contrats. Tous les partis vont s'en inspirer. Un climat de corruption généralisée s'installe donc dans les années 70, favorisé qui plus est par les lois de décentralisation réclamées par Mitterrand à son ministre de l'Intérieur, Defferre, en 1982. Et voilà comment petit à petit tout bascule. Immobilier, BTP, grande distribution, prestataire de services, tout ce qui requiert de près ou de loin un agrément municipal est sollicité par la droite comme par la gauche. Les entreprises ont vite compris les perspectives que leur ouvrait la décentralisation. Fini les contrôles tatillons de l'administration centrale, l'obligation de rendre les comptes au pouvoir préfectoral, de s'expliquer sur chaque contrat. Non, à partir des années 80, les élus voient leur pouvoir s'étendre. Et pour beaucoup, la tentation est grande de profiter d'un système des plus pernicieux. Boucheron ne fait pas exception. Dans la presse locale, ses adversaires politiques s'en donnent à cœur joie et n'hésitent pas à reprendre les accusations de Dominici contre le député-maire socialiste. C'est le cas notamment du conseiller général RPR, Jacques Ratier, qui dans le journal Charente Actualité demande ouvertement des comptes au député-maire. Nous disons très nettement que la gestion de M. Boucheron est catastrophique. C'est devenu une évidence. Pourquoi M. Boucheron refuse-t-il par exemple de justifier les millions versés à l'OFRES alors qu'il avait affirmé que le journal Vivre Ensemble ne coûterait rien aux contribuables d'Angoulême? Nous ne sommes pas les seuls à nous montrer réservés à votre égard. Les élus PC le sont aussi, et même certains de vos propres amis. Qu'attendez-vous pour présenter, pour chaque investissement, des comptes détaillés que nous réclamons depuis des mois? En réalité, si le financement occulte des partis politiques n'est un secret pour personne, beaucoup d'élus s'inquiètent de la gourmandise de Jean-Michel Boucheron. L'année précédente, déjà en 86, l'adjoint au budget de la ville, José Davo, avait démissionné. L'année suivante, c'est l'ensemble des élus communistes qui avaient refusé de voter le budget. Et après la défaite du maire devant le tribunal, la plupart de ses collaborateurs ont pris leur distance vis-à-vis de celui-ci pour éviter d'être mêlés à un scandale qui serait, dit-on, sur le point d'éclater. Il est vrai qu'en 3 ans, le vent a tourné à Angoulême. Pourtant, en mai 88, alors que Boucheron semble perdre un à un tous ses soutiens, l'impensable se produit. Il était le secrétaire aux collectivités dans le premier gouvernement de Michel Rocard. Stupeur dans les rangs de l'Assemblée. Boucheron aux collectivités. C'est comme si on installait le loup dans la bergerie. L'intéressé, lui, bien sûr, est soulagé. Il se croit tiré d'affaire. Mais le répit sera de courte durée, car un mois plus tard, Michel Rocard forme son deuxième gouvernement. Et le député-maire d'Angoulême n'en fait pas partie. Mais à quoi joue le Premier ministre? Personne n'y comprend rien. En réalité, si aucun autre membre du gouvernement n'a publiquement confirmé l'origine de cette soudaine éviction, François Mitterrand aurait confié à plusieurs membres de son parti qu'il s'était trompé de Boucheron, oui. Car il existe à l'époque et au sein même de la famille politique, la même famille, les socialistes, un autre Jean-Michel Boucheron. Issu de la même génération, député lui aussi, mais en Bretagne. Un quiproquo gênant qui pourrait bien expliquer cette nomination inattendue au gouvernement. Et un coup dur pour l'élu rennais qui avait sa place réservée et qui l'avait prise par un autre. En tout cas, le maire d'Angoulême, qui se croyait protégé, tombe des nues. Et en mars 89, c'est le coup de grâce. Il est battu au municipal dès le premier tour. Son successeur, Georges Chaban, UDF, ordonne illico un audit de la ville et découvre un trou énorme du jamais vu pour une commune de 48 000 habitants. Polémique à Angoulême, le nouveau maire Georges Chaban, UDF, accuse la précédente municipalité, socialiste, d'avoir ruiné la ville. Selon une enquête financière qu'il a commandée, la dette atteindrait 1,6 milliard de francs. Le diagnostic présenté par le nouveau maire est implacable. Angoulême est ruiné car la charge de la dette à rembourser d'ici l'an 2000 est insupportable pour la ville. Les budgets 88 et 89 sont faux et illégaux avec des dépenses sous-estimées et des ressources fictives. Faux en écriture, gâchis, erreur, magouille. Georges Chaban n'a pas eu de mots assez durs pour parler du mandat de Jean-Michel Boucheron. Il a une responsabilité écrasante, il a fait preuve d'une incompétence incroyable et il a fait preuve en même temps, me semble-t-il, de manque de surveillance de l'activité, hein, parce que c'est quand même très grave de voir ce qui s'est passé pendant les 6 dernières années. Un déficit de 71 millions de francs pour 89 et une dette abyssale de plus d'un milliard de francs, voilà donc l'héritage laissé par Jean-Michel Boucheron aux Angoumoisins. Malgré le rapport qu'il accuse, entre autres de malversation, de gâchis et de faux en écriture, le député nie toutes les accusations en bloc et défend le bien fondé de sa gestion. Devant les caméras, il affirme que l'audit est une manœuvre politique et que l'enquête n'est pas rigoureuse. Les chiffres sont faux, dit-il. Tiens donc. Nous prendrons le temps, au moins une longue semaine, pour expliquer à toute la population, et avec moins de moyens que M. Chaban, beaucoup moins d'argent, car il a déjà dépensé 15 millions pour l'audit, il va en dépenser sans doute 30 ou 40 maintenant pour publier ce dossier. Avec nos petits moyens, nous démontrerons notre savoir-faire, ce qu'on a fait de bien pendant 12 ans. Mais rares sont ceux qui s'apitoient sur le sort du député de ses petits moyens. D'autant qu'en Angoulême, Georges Chaban annonce une cure d'austérité sans précédent. Une potion amère, avec réduction drastique des effectifs et des dépenses pour les 10 prochaines années au moins. Et au nom de la ville, le nouveau maire porte plainte. La Chambre régionale des comptes et la police judiciaire entrent alors en piste. La première passe au crible la gestion d'Angoulême entre 83 et 87. La seconde s'intéresse de près au maire sortant et enquête sur son train de vie luxueux. L'étau de la justice se resserre. Boucheron tente de se justifier, sans oublier au passage de se plaindre. Les deux erreurs que je reconnais depuis longtemps, et que j'ai publiquement accepté de reconnaître, c'est d'avoir reçu une certaine somme sur mon compte, ce qui, c'est vrai, sans doute, ne se fait pas, mais qui, à l'évidence, et je le démontrerai, ne m'ont pas personnellement bénéficié. En novembre 90, comme en témoigne cette archive Antenne 2, Boucheron est dans l'impasse. Mais il lui reste une carte à jouer pour éviter la prison. Profiter des récentes lois d'amnistie pour les délits et crimes liés au financement des partis politiques. Ces lois qui font grand bruit à l'époque prévoient effectivement l'effacement de toutes les infractions commises avant le 15 juin 89 en relation avec le financement direct ou indirect de campagne. Alors Boucheron l'affirme haut et fort, l'argent était destiné non pas à son enrichissement personnel, vous venez d'entendre, mais bien aux caisses du Parti Socialiste. Un mobile dans l'air du temps donc, et qui a effectivement permis de blanchir une ribambelle d'élus soupçonnés de malversation. Seul bémol, la loi ne protège pas ceux qui ont piqué dans la caisse pour leurs besoins personnels. Or tout dans le dossier Boucheron semble indiquer qu'il l'a fait. À commencer par les socialistes, qui publiquement le défendent, bien sûr, mais qui finissent par le mettre en congé du parti, viré, quoi. En février 91, le député-maire est inculpé de complicité de faux en écriture de commerce et usage, recel d'abus de biens sociaux et ingérence. Et alors qu'une troisième information judiciaire s'ouvre contre lui au sujet des surfacturations qui auraient affecté de nombreuses réalisations municipales, Jean-Michel Boucheron s'évapore dans la nature. 26 novembre 92, il est 20h, lorsque les Angoumoisins se mettent à table devant le journal télévisé. À l'époque, cela fait un an que Boucheron a disparu. Proches, magistrats, policiers, personne ne sait où il est. Alors, à l'annonce des titres, c'est la stupéfaction. Boucheron a été localisé par des journalistes en Argentine. Un instant d'après, le fugitif apparaît sur les écrans, polo blanc, l'air décontracté, la peau bronzée par l'été austral. Il annonce s'être reconverti en chef cuisinier, sa nouvelle raison de vivre. Je recommence ma vie, j'ai choisi l'exil Et je recommence avec ma compagne une nouvelle vie avec tout ce que ça implique de difficultés. Et j'ouvre un restaurant, tout bêtement. Qu'est-ce que vous faites comme spécialité gastronomique ? La cuisine régionale du Sud-Ouest. On n'oublie jamais ses racines. C'est-à-dire du coq au vin ? C'est-à-dire du coq au vin, du bœuf bourguignon, des entrecôtes échalotes, une soupe à l'oignon. Toutes ces choses qu'on ne connaît pas ici. Et la France ne vous manque pas un peu ? Tous les jours. Vous avez pensé à la levée de l'immunité parlementaire ? J'ai toujours demandé, j'ai toujours dit que j'étais d'accord pour qu'on la lève, pour aller plus vite et pour que la justice fasse son œuvre, sans entrave. Et vous comptez démissionner avant le... Oui, j'envisage fortement de démissionner, bien sûr. Et si un jour il y avait un mandat international, qu'est-ce que vous comptez faire ? Écoutez, on verra. On n'en est pas encore là. Mais de toute façon, ce qui compte pour l'instant, c'est le restaurant et ma vie. À des milliers de kilomètres d'Angoulême, entre casseroles et poêles à frire, Boucheron se croit à l'abri. Et pour cause, il n'existe pas d'accord d'extradition entre la France et l'Argentine. Alors, lorsqu'en février 93, il apprend qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui et que Paris a demandé à Buenos Aires son arrestation en vue d'une extradition, il ne s'affole pas. Il perd son immunité parlementaire, certes, mais conserve son indemnité de député, l'équivalent de 5 500 euros, qu'il prend soin de verser systématiquement sur le compte de son épouse pour éviter l'impôt. On ne se refait pas. Il laisse passer son procès, auquel il n'assiste évidemment pas, et apprend par ses avocats la peine qu'il n'a pas l'intention de purger, 4 ans de prison ferme et 1 million de francs d'amende. Pourtant, le 17 août 95, il se retrouve subitement derrière les barreaux de la prison des Devoto à Buenos Aires. Après 22 nuits qu'on imagine tourmentées et une caution de 50 000 dollars, il est libéré, mais il attend désormais que le juge détermine si les délits dont il est accusé en France ont leur équivalent dans le droit argentin. Jean-Michel Boucheron le sait, son extradition est imminente, alors il change de stratégie. Et le 10 mars 97, il annonce son retour, volontaire bien sûr, dans la Charente libre, évidemment. Jean-Michel Boucheron, le retour. L'information est révélée ce matin par nos confrères de la Charente libre. L'ancien maire d'Angoulême a décidé de quitter l'Argentine et de se livrer à la justice française, laquelle l'attend avec son lot de condamnations. Jean-François Laville. Une carte postale d'Argentine sans équivoque. 5 ans après sa fuite en Amérique du Sud, Jean-Michel Boucheron souhaitait prévenir en premier les Angoumoisins par le biais de notre confrère la Charente libre. Visiblement sans le sou, après avoir monté un restaurant à Buenos Aires, l'ancien maire d'Angoulême préfère, dit-il, offrir à sa famille un futur qui soit digne et respectable et non pas construit sur la fuite perpétuelle et l'opprobre. Mais en rentrant en France, Jean-Michel Boucheron va être vite rattrapé par son passé. Fin juin 94, il est jugé par défaut devant le tribunal correctionnel de Paris et condamné à 4 ans de prison ferme, 1 million de francs d'amende et 5 ans de privation de ses droits civils, civiques et de famille. L'ancien maire d'Angoulême devrait rentrer en France dans une dizaine de jours, bien décidé à répondre de son passé, 30 ans jour pour jour après sa première élection à la tête de la mairie d'Angoulême. L'extradition de Boucheron met provisoirement fin à une saga judiciaire qui aura duré près de 6 ans. En tout et pour tout, Boucheron ne passera qu'une année derrière les barreaux. Il écope pourtant de 3 ans d'emprisonnement pour une autre affaire de corruption en 1999, mais la peine est confondue avec celle de 1994. Il ne retournera donc pas en cellule. 20 ans plus tard, pourtant, le fisc lui réclame encore 186 000 euros et lui reproche d'avoir organisé son insolvabilité en dissimulant ses revenus entre 2010 et 2013. Installé dans une commune voisine de sa ville natale, où les impôts, on l'imagine, sont sans doute moins excessifs qu'à Angoulême, Boucheron ne juge pas nécessaire de faire le déplacement le jour du procès. Il aura été l'un des premiers élus de la République à être condamné à une peine de prison ferme. Il incarne, malgré lui, le symbole d'une nouvelle ère, celle des atteintes à la probité publique, celle des faveurs et des pratiques d'un pouvoir que l'opinion tolère de moins en moins. Avant lui, Jacques Médecin, Alain Carignon avaient dû affronter la justice. Suivront ensuite Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Nicolas Sarkozy, mais tous n'iront pas en prison. Si ces scandales nourrissent forcément une défiance grandissante des citoyens envers les élites politiques, ils ont aussi favorisé l'émergence d'un nouveau thème désormais central dans le débat public, la moralisation de la vie politique. Il n'en reste pas moins que toute cette histoire n'aurait jamais été révélée sans le travail acharné d'un homme, Marcel Dominici, figure controversée, certes, mais qui a le mérite d'avoir révélé au grand jour les pratiques délictueuses de Jean-Michel Boucheron, Il était un lanceur d'alerte, comme on ne le disait pas à l'époque. Briller comme une étoile filante, c'est l'aventure qui l'étend. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Vivre plus vite que les autres, avoir un pied dans le futur, vivre les rêves qui sont les nôtres et obéir à sa nature, puisque rien ne dure. Mais les princes des villes n'ont pas besoin d'armure dans les grandes voitures. Les rêves sont faciles et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Vraiment sûr, et l'avenir fragile pour les princes des villes. Des vibre au rythme des guitares. Comme des maîtresses andalouses, qu'on leur élève des statues, qu'on les affiche dans les rues. Mais au matin d'un nouveau jour, qu'on les piétine, qu'on les insulte, qu'on établisse de nouveaux cures. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Boucheron dont nous parlons avec notre invité Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Historien, professeur à l'Université d'Orléans, vous avez écrit nombreux ouvrages sur la vie politique de ce siècle, parmi lesquels les scandales de la République de Panama, l'affaire Cahuzac, paru chez Lafon en 2004. Je cite aussi Histoire secrète de la corruption sous la Cinquième, paru lui en 2014 aux éditions du Nouveau Monde. Alors dites-moi, un syndicaliste qui fait tomber un homme politique fort à l'époque des faits, c'est pas courant. Alors, on connaît l'affaire Boucheron. Certains auditeurs la connaissaient déjà. C'est un rafraîchissant de mémoire. D'autres la découvrent. On connaît l'affaire Dominici, mais ça, c'est déjà pris. Mais enfin, ce Dominici, ce Marcel Dominici, pour vous, c'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a voulu lutter contre les mauvaises habitudes de gestion d'une mairie. Ou alors, il était de droite. Il est de droite. Il l'a dit. Son combat n'était qu'un combat partisan. Il y avait un peu de tout, mais qu'on le veuille ou non, il a été un lanceur d'alerte dans, dans une époque où se sont multipliés les cas de mères ripoux, comme on disait à l'époque, qui d'ailleurs pour la plupart venaient plutôt de la droite républicaine plus que du Parti socialiste. Et c'est peut-être ce qui a fait aussi la spécificité, j'allais dire presque la notoriété de Jean-Michel Boucheron, c'est que il était un socialiste, il était issu d'une famille politique qui pour elle avait jusque-là le monopole et même le prestige d'une certaine intégrité, et apprendre comme ça qu'un maire socialiste se livrait à ce type de pratique de détournement de fonds, de corruption, bah c'était quelque chose qui a quand même marqué. Bien sûr, je me souviens à ce propos de la déclaration de Laurent Fabius quand il a été nommé Premier ministre, c'était au mois de juillet 84, si je me souviens bien, c'est ça. Et on lui avait dit, mais la différence entre la gauche et la droite, c'est quoi? Il avait répondu, la différence c'est la morale. La gauche est du côté de la morale. Il a cessé de le dire, évidemment, après, avec tout ce qui s'est passé. Mais il y a quand même deux corruptions qui ne sont pas à mettre au même niveau. Il y a la corruption politique pour financer des campagnes, et puis la corruption pour enrichissement personnel. Et là, c'est plus grave, moralement. Et Boucheron est là-dedans. Complètement. C'est vrai que on sait bien que le Parti socialiste avait mis au point un système de financement occulte par des bureaux d'études, le fameux système URBA qui a été révélé au début des années 90, qui avait été mis en place déjà dans les années 70, mais qui a priori était conçu pour financer le parti, les campagnes des candidats du parti, et quelques élus socialistes indélicats comme Boucheron ont un petit peu confondu ce type de financement occulte qui venait d'une sorte de vide juridique qui existait réellement à l'époque, et puis leur propre enrichissement. Et lui, c'était un flambeur, il adorait les belles voitures, les beaux voyages, les belles femmes sans doute, les bons restaurants, et il a mis les mains dans le pot de confiture. Mais finalement, ce type de dérive est relativement, il faut quand même le dire, est relativement rare. Ce qui existait alors là de manière systémique, c'était ces fameux systèmes de bureaux d'études, de systèmes de financement occultes. Ensuite, il y a eu celui pour le RPR des HLM des Hauts-de-Seine et des HLM de Paris, la fameuse affaire Mairie. Il y a eu le système des lycées d'Île-de-France où les quatre grands partis, c'était le RPR, l'UDF, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, s'étaient mis d'accord pour racketter les entreprises prestataires de services pour la construction des lycées en Île-de-France, sous la houlette du président du conseil régional, qui s'appelait Michel Giraud à l'époque, un gaulliste. Donc on a des systèmes comme ça qui s'étaient mis en place, mais il faut reconnaître que ces systèmes ne sont pas des systèmes d'enrichissement personnel, ce sont des systèmes de financement occulte des partis. Alors ça a soulevé le débat à l'époque sur la décentralisation, elle était souhaitée par l'ensemble des partis politiques, plus ou moins fort d'ailleurs, c'est François Mitterrand qui la met avec les lois de fer en 80 qui la met en place, mais évidemment ça donne de la liberté aux élus locaux et pas forcément pour la bonne cause. Est-ce qu'il y a eu un débat autour de la décentralisation à ce moment-là? Ben oui, c'est vrai que c'est une dérive. Alors, ça n'a pas fait, je dirais, un débat critique sur la nécessité de la décentralisation, parce qu'on voyait bien que en la matière, il y avait une sorte d'asphyxie de l'État centralisé en France, et qu'il fallait justement aller vers les collectivités territoriales, donner plus de pouvoir aux élus locaux. Mais c'est vrai que ça a donné quand même un effet très répulsif, parce que les cas se sont multipliés justement pendant cette période des années 90. Alors ça venait aussi d'un regain d'investigation et d'une exigence nouvelle de la part des magistrats, de la part de la presse. C'est-à-dire que il y avait tous ces phénomènes qui se cristallisaient au même moment, la décentralisation, la volonté de mettre un petit peu d'ordre dans ces systèmes de financement, la volonté d'une opinion publique qui devenait plus exigeante, et par le biais notamment des médias. Donc tout ça fait que ça a fait éclater comme ça une bulle de raquettes qui existait depuis les années 60. Ouais, alors ce n'est pas l'essentiel, mais ça nous détend un peu, il y a cette histoire d'homonymie. C'est extraordinaire, ça. Ah oui, Racontez-nous ça. Oui, c'est extraordinaire parce que il y a un autre Jean-Michel Boucheron, député d'Ille-et-Vilaine, qui était un spécialiste de la défense, pas du tout le même profil flambeur et un peu mirobolant qu'était celui de l'autre Jean-Michel Boucheron. Lui, c'est un homme beaucoup plus classique, beaucoup plus rigoureux et qui, pendant toute sa carrière, a été victime de cette homonymie qui a été parfois un peu rejetée, critiquée et même à un moment quand notre Jean-Michel Boucheron flambeur d'Angoulême a quitté la carrière politique, il avait même envoyé ses affiches à ce Jean-Michel Boucheron de Bretagne pour l'aider dans ses campagnes électorales. D'ailleurs, puisqu'on en est aux anecdotes, une que vous connaissez peut-être, puisqu'elle parle de François Mitterrand, lorsque François Mitterrand a nommé Edith Cresson première ministre, donc en mai 91, il lui dit, pour la composition du gouvernement, qu'il fait lui-même, évidemment, il lui dit, ouais, il faudra prendre une autre femme. Il y en a une qui est très bien, elle s'appelle Kofi Annan. C'est une petite beurre, mais c'est un homme. Qui était un homme. Qui était un homme. C'est là que ça posait un problème. Oui, oui, bien sûr, elle est célèbre. Non, mais ça fait partie de ces petites anecdotes qui, heureusement, amènent un petit peu de détente dans des systèmes qui, mais dont il faut quand même toujours rappeler que ces systèmes-là, qui finalement existaient depuis le début du XXe siècle, depuis les années 1900, il y avait ce qu'on appelait le comité Mascureau à l'époque, qui se chargeait de drainer de l'argent d'un certain nombre de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires vers des candidats aux élections, notamment du Parti radical. Donc c'est des systèmes, j'allais dire, vieux comme la démocratie, mais qui prospérait sur le manque de rigueur et sur le manque de normes juridiques. Et c'est donc à partir des années 90 qu'on a commencé à voter un certain nombre de lois, et surtout celle de 1995 qui a été décisive parce qu'elle interdisait aux personnes morales, c'est-à-dire aux entreprises, aux associations, etc., de financer la vie politique. Ça a amené quand même un petit peu plus de moralisation. Alors l'inculpation, on disait inculpation à l'époque, hein, c'était avant la réforme de la justice, maintenant on dit mise en examen, à l'époque on disait inculpation de Boucheron concorde avec la réglementation du financement des campagnes et des partis politiques qui va s'accompagner de lois d'amnistie. Alors ces dernières créent la polémique car elles blanchissent tous les auteurs de délits liés au financement occulte des partis jusqu'à 1989, sauf pour ceux qui se sont enrichis personnellement. On va écouter un extrait, une archive, voir ce que l'on en disait à l'époque, quelle était la couleur du temps et de l'humeur autour de cette loi. Ce matin, l'opposition unie a déposé une motion de censure contre la loi d'amnistie. Giscard enfonce le clou. Il demande au gouvernement d'annuler cette loi qui, selon lui, fait des ravages dans l'opinion. Il rejoint ainsi le président du RPR, Jacques Chirac. Est-ce qu'il y a encore une justice qui est la même pour tous, en France ou non? Et naturellement, nous ne pouvons pas envisager un instant d'accepter l'idée qu'il y ait deux justices. Quant à Charles Scaglia, il crée la surprise. Le maire UDF de la Seyne-sur-Mer, inculpé dans l'affaire des fausses factures, refuse son amnistie, qui laisserait planer un doute sur sa culpabilité. Autre épisode de la bronca des juges en colère contre l'amnistie à Toulon. Des magistrats envisagent de libérer des petits délinquants pour protester contre les amnisties de certains élus. Alors, ce genre de loi qui est fait pour calmer tout le monde, mais qui fâche tout le monde. Oui, c'était un formidable instrument politique pour l'opposition face à François Mitterrand et à Michel Rocard, Premier ministre, évidemment de dénoncer cette manière de s'auto-absoudre, parce que ça suivait, il faut le rappeler, des affaires de délits d'initiés qui avaient touché l'entourage de François Mitterrand. Ça suivait le début d'ailleurs de cette affaire Urba, d'études fictives du Parti Socialiste. Bon, le paradoxe, c'est qu'en réalité, les systèmes étaient les mêmes pour les autres partis politiques et qu'ensuite eux aussi ont essayé par tous les moyens d'échapper à la justice pour couvrir leur propre système de financement occulte. Alors souvent les peuples n'aiment pas le mot amnistie parce qu'ils se disent c'est amnistie égale impunité. Comment l'opinion a-t-elle reçu cette réforme de moralisation de la vie politique qui traînait son cortège d'amnistie et d'impunité? Mais l'opinion était extrêmement, je dirais, cynique déjà à l'époque par rapport au aux malversations, aux dérives des hommes politiques, et ça n'a fait qu'empirer jusqu'aux années 2000, jusqu'aux élections, notamment jusqu'à l'élection de 2002, qui a été presque l'acmé de ce scepticisme général. Donc très clairement, pour l'opinion, c'était une manière pour les socialistes de s'absoudre de leurs péchés, comme ils n'ont pas été dupes des années après de l'abracadabrantesque de Jacques Chirac, les agissements du RPR et de la mairie de Paris. Et donc le seul problème dans tout ça, c'est que à partir de là, l'opinion que les Français portaient sur leurs élus n'a fait que se dégrader. La cote de confiance des élus n'a fait que se dégrader. Et puis jusqu'à ce que récemment, depuis une dizaine d'années, l'exigence éthique prenne le dessus et que, je veux dire, que le scepticisme, la résignation cède le pas à une véritable, oui, une intransigeance de la part des Français. Est-ce qu'on peut estimer que Jean-Michel Boucheron a été sacrifié quelque part pour légitimer les lois d'amnistie? On rappelle que l'enrichissement personnel, alors on peut tout amnistier, mais pas l'enrichissement personnel. Ça, c'est pas possible. Et Boucheron en devient l'instrument, l'illustration. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. C'est vrai que donner comme ça une victime en pâture à l'opinion, c'est d'ailleurs une pratique très, là aussi, j'allais dire, historique de la classe politique française. Quand il y a une crise, un scandale, il y a toujours un bouc émissaire. C'était déjà le cas dans le scandale de Panama, où il y avait eu un condamné, alors qu'il y avait 150, oui. On était en 1892, oui. Il y avait 150 députés et sénateurs corrompus, et il y a eu une condamnation. Eh bien ça, vous le retrouvez au moment de cette affaire. Il y a cette brebis galeuse, ce vilain petit canard de Jean-Michel Boucheron, et ça permet de cacher quand même des systèmes où d'autres enrichissements personnels ont certainement eu lieu. Cher Jean Garrigue, nous vous recevons souvent. Je peux vous annoncer que ça continuera. Merci. Je l'espère. Merci pour ce moment passé ensemble encore une fois. À bientôt. Au revoir. À très vite. C'était Où ça vient. Voilà. Donc, c'était Affaires Sensibles. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.